sur le quai de la gare, ça fait des heures que j'attends mon train. Il doit avoir du retard, c'est toujours le même refrain. Alors je patiente au café et commande un double whisky. Je les trouve un peu trop gonflés de faire payer trois fois le prix. Je fais les 100 pas et tourne en rond, feuillette un journal au relais. Je prends mon souffle bien profond, les nerfs comme un fil barbelé. J'ai le temps de faire un tour au tabac pour une cartouche de cigarette. Ce n'est pas encore cette fois que je me dis demain j'arrête. Je m'achète un bon vieux polar, le dévore sans faire de pause. Emporté par cette sombre histoire, je crois que j'ai raté quelque chose sur le quai de la gare. Ça fait des jours que j'attends mon train. Il doit avoir du retard, il sera peut-être là demain. Sur un banc avec mon bagage et l'esprit qui déraille un peu, je suis tout prêt pour un voyage vers une nouvelle planète bleue. Mais là dans les courants d'air froid, je vois partir les trains au loin. Je me demande à chaque fois pourquoi l'un d'eux n'est pas le mien. C'est clair, je ne sais plus très bien le sens de ma destination. Alors je ne comprends plus rien, le nord c'est dans quelle direction. Me demandez pas pourquoi je reste égaré, le regard hagard. Le vent semble tourner sa veste, faut pas laisser faire le hasard. Sur le quai de la gare, ça fait des semaines que j'attends mon train. Il doit avoir du retard, il sera peut-être là demain. J'ai beau demander aux passants, mais personne ne me répond. Quand tout devient indifférent, ça fait une drôle de sensation. Cette fois je me sens flanché au quotidien dans ce combat. J'ai plus grand monde à qui parler, pourtant ça grouille autour de moi. Mais les gens qui sont en avance tuent tout leur temps au téléphone. Les familles qui partent en vacances sous leurs valises ne voient personne. Et tous ceux qui sont à la bourre contre le temps font une course. Et puis ceux qui sont en amour se promettent d'aller vers la grande ours. Sur le quai de la gare, ça fait des mois que j'attends mon train. Il doit avoir du retard, il sera peut-être là demain. À demander aux gens un franc ou deux pour dépanner. Il n'y a guère que les enfants qui me voient comme un oiseau blessé. Le bourgeois qui monte en première avec les poches bien cousues. À mille lieues de la misère, je lui balance des mots crus. Une nuit un petit peu bourrée, je me suis laissé tabasser par des salopards enragés, nationalistes dégénérés. Depuis je n'ai plus rien sur moi et je me noie de l'intérieur. Moins je me vois et plus je bois, j'ai la vie qui change de couleur. Sur le quai de la gare, il y a des années que j'attends mon train. Fatigué, y'en a marre, mais quelque chose me retient. Sur le quai de cette gare où je n'ai fait que chavirer, pour un nouveau départ là sur le quai des arrivées.